الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Notre leçon aujourd'hui portera sur la dernière sourate du Coran. Nous allons parler de cette sourate de plusieurs points de vue. Cette sourate, à savoir la sourate An-Nas, sourate 114, les hommes, sourate les hommes, elle comporte 6 versets. Elle tourne autour de la recherche du refuge auprès d'Allah contre un mal particulier, à savoir Satan. Là, si on suppose que le waswas cité dans cette sourate est Satan, sinon il se peut que le mal en question soit la waswasa, soit la mauvaise suggestion. Peu importe l'auteur de cette waswasa, qu'il soit un être humain ou un djinn. Parlons du lien de correspondance entre cette sourate et la sourate qui la précède, la sourate Al-Falaq. Si on regarde ces deux sourates, on constate qu'ils commencent toutes les deux par « dit « je prends refuge en le Seigneur ».« قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّي ». Sauf que la sourate Al-Falaq, il est dit « je prends refuge en le Seigneur du Falaq ».« قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّي الْفَلَاق ». Et dans la sourate An-Nas, « je prends refuge en le Seigneur des hommes ».« قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّي النَّاس ». C'est comme s'il y avait généralisation umum dans la sourate Al-Falaq et particularisation khusus dans la sourate An-Nas. Cette généralisation dans la sourate Al-Falaq se présente de la manière suivante. Allah a dit « Je prends refuge en le Seigneur du Falaq ».« قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَاق ». Comme nous l'avons expliqué la dernière fois, toutes les créatures ont en commun la caractéristique suivante, le Falaq. La fente. Elles sortent d'une ouverture, d'une fente. Et donc, il y a recherche du refuge auprès du Seigneur des créatures en général. Quand je dis « قُلَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ », ça veut dire que je prends refuge auprès du Seigneur des créatures en général. Quant à la sourate An-Nas, l'isti'adha est une recherche de refuge auprès d'Allah en sa qualité de Seigneur des hommes. « رَبِّ النَّاس ». Pourquoi ? Pourquoi il y a cette généralisation dans la sourate Falaq et particularisation dans la sourate An-Nas? La raison en est, wallahu a'lam, est que l'isti'adha dans la sourate An-Nas est une recherche de refuge particulière contre un mal qui n'existe que chez les hommes, à savoir le waswas, les suggestions insidieuses. Tandis que dans la sourate Falaq, il y a isti'adha en Allah contre plusieurs maux, contre plusieurs méfaits. La nuit quand elle s'épaissit, le mal qui s'effectue dans cette nuit-là, la sorcellerie, ne fassas fil uqad, l'envie, l'hasad, le mauvais œil. Or ces choses-là, ils touchent aussi bien l'homme que d'autres créatures, n'est-ce pas? La nuit peut être dangereuse pour l'homme, et aussi pour d'autres créatures. Les animaux peuvent être agressés la nuit. Les maisons peuvent être brûlées ou cambriolées. La sorcellerie aussi. La sorcellerie peut frapper les bêtes. Aussi, peut frapper des objets. L'envie, le hasad et le mauvais œil, ils peuvent frapper des animaux. Ils peuvent frapper des objets. Une voiture, une machine peut tomber en panne à cause du mauvais œil. Alors, ça, c'est l'une des raisons pour laquelle il y a généralisation d'un côté dans la sourate Falaq et particularisation dans la sourate An-Nas. Comme autre aspect de la généralisation dans la sourate Falaq et de la particularisation dans la sourate An-Nas, c'est le fait qu'Allah ait cité plusieurs mots dans la sourate Falaq, tandis que dans la sourate An-Nas, il n'a cité qu'un seul mal. Avez-vous saisi un peu la correspondance entre ces deux sourates? Je prends refuge auprès du Seigneur du Falaq, et qui dit Falaq dit créature en général. Il convient que les mots soient multiples dans ce cas, et qui touchent toutes les créatures. Puisque le Seigneur du Falaq, c'est le Seigneur de toutes les créatures, donc il convient que les mots soient multiples dans cette sourate-là. Je prends refuge auprès du Seigneur des hommes. قل أعوذ برب الناس. Là, seuls les hommes sont cités. Il convient que la sourate ne cite que le mal qui touche les hommes en particulier. Remarquez que dans la sourate Al-Falaq, les mots sont nombreux, tandis que l'istiaza consiste à prendre refuge en Allah en tant que Seigneur du Falaq seulement. La sourate ne cite pas d'autres noms ou attributs d'Allah. La sourate Falaq, il n'y a que le Seigneur du Falaq. Ce qui est l'inverse dans la sourate An-Nas. Dans la sourate An-Nas, le mal est un seul mal, un seul méfait, l'ouest-ouest, suggestion insidieuse insufflée par les démons ou les hommes. Et alors que l'istiada se fait en Allah en vertu de trois noms ou attributs. Le Seigneur des hommes, قل أعوذ برب الناس, pas seulement ce nom-là, pas seulement cet attribut-là, mais قل أعوذ برب الناس, مالك الناس, roi des hommes, إله الناس, Dieu des hommes. Dans la sourate Al-Falaq, un seul nom, قل أعوذ برب الفلق, contre plusieurs mots, contre plusieurs méfaits. رازق إذا وقب لنوي كنت سبسي نفثت في العقد la sorcellerie et l'envie. Alors que dans la sourate An-Nas, trois noms d'Allah, Rab, Malik, Ilah, Seigneur, Roi des hommes et Dieu des hommes, contre un seul mal, un seul méfait, qui est l'ouest-ouest. Pourquoi? Parce que l'ouest-ouest est le mal le plus grave. Il se répercute contre la personne suggestionnée et ses victimes. À cause des suggestions insidieuses, insufflées par Satan et ses alliés parmi les djinns et les hommes, la personne peut tomber dans le shirk. Satan peut chuchoter et peut insuffler, projeter les mauvaises idées et les idées païennes dans le cœur de l'homme. Et là, donc, la personne peut tomber dans le shirk à cause de la waswasa. Il peut tomber dans la mécréance, dans le bid'a. Il peut tuer autrui et causer des dégâts sur terre. Le waswas est grave parce que c'est un mal intérieur. Il touche le cœur et la foi de l'homme, ce qui entraîne des péchés et des infractions à la religion. Et qui dit péché, dit châtiment dans ce monde et dans l'au-delà. Le mal dont il est question dans la sourate An-Nas, c'est l'injustice envers soi-même. La personne se laisse suggestionner, puis passe à l'acte. Alors que dans sourate Al-Falaq, il s'agit de l'injustice commise par quelqu'un d'autre envers soi. Par quelqu'un d'autre. L'agression, elle est extérieure. L'injustice est extérieure. L'agression la nuit, la sorcellerie ou l'envie, le hasad, ce sont des attaques extérieures. Alors que dans la sourate An-Nas, c'est intérieur, c'est waswas. Donc, le fait que tu sois agressé la nuit, ce n'est pas grave finalement. Le fait que tu sois victime d'un acte de sorcellerie, ce n'est pas grave. Le fait que tu sois victime de l'envie et ou du mauvais œil, ce n'est pas grave, ce sont des choses qui te viennent de l'extérieur et dont tu n'es pas responsable. Et tu peux être même récompensé si tu prends patience, si tu prends ton mal en patience et si tu comptes sur Allah pour t'en récompenser. N'est-ce pas? Donc, tandis que le waswas, c'est un mal intérieur. Si tu cèdes au waswas et tu le traduis par des actes, là c'est grave, parce que tu es responsable de tes actes. On peut dire que la sourate Al-Falaq traite des mots, des méfaits qui n'entrent pas dans le cadre de l'assujettissement, du taklif, c'est-à-dire des malheurs et des catastrophes, ça vient d'extérieur. La surat Nas, elle parle d'un mal qui entre dans le cadre de l'assujettissement et dont l'origine, ce sont les défauts de l'homme, comme a dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Donc il y a le masaïb d'un côté et le ma'aïb de l'autre côté. Surat al-Falaq, elle parle des catastrophes, des malheurs qui arrivent à l'homme sans qu'il n'en soit responsable. Et le surat al-Nas, ce sont les défauts, les péchés dont l'origine, ce sont les défauts de l'homme. Suivez l'enchaînement des versets de ces deux sourates. Le mal, surat Falaq, le mal de la nuit quand elle s'épaissit, puis on passe à un autre mal, plus fréquent et plus grave, à savoir nafasati fil uqad, celle qui souffle sur les nœuds, puis un mal très répandu, l'envieux quand il exerce son envie. C'est mal plus grave qu'on vit quotidiennement. Alors la sourate Falaq s'est conclue avec l'un des mots les plus nuisibles à l'échelle de la création. La sourate Nas, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est concentrée sur les hommes, les assujettis. Et elle a commencé par « Je prends refuge en le Seigneur des hommes » pour attirer leur attention vers un mal qui est plus dangereux pour eux en particulier. Il est plus dangereux que l'envie, à savoir l'ouest-ouest, les suggestions insidieuses. Parlons maintenant de la relation entre cette sourate, sourate Nas, et la sourate Al-Fatiha, puisque la Fatiha est la première sourate du Coran, et Nas est la dernière sourate du Coran. La Fatiha, il ouvre le livre d'Allah, le Coran, et la sourate Nas, elle le conclut. Dans la sourate al-Fatiha, on trouve la louange d'Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur des mondes. C'est normal, puisque l'ambiance, le contexte de cette sourate est un contexte de bienfaisance. Tandis que le contexte de la sourate Nas est un contexte de besoin et de demande. Il convient donc dans cette sourate de citer celui qui est dans le besoin. Puisque la sourate parle du besoin, de l'indigence de l'homme, donc il convient de citer celui qui est dans le besoin, à savoir les hommes. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a employé ici son attribut Rabb al-Nas, Seigneur des hommes. Alors que dans la Fatiha, qu'est-ce qu'il a employé comme attribut? Rabb al-Alamin, Seigneur des mondes. La sourate al-Fatiha, elle tourne autour du verset Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons et c'est à toi que nous demandons aide. Allah a envoyé les prophètes et a fait descendre les livres pour que les gens adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Sans les prophètes, sans les livres, les gens s'égarent. Ils peuvent même adorer des idoles ou n'importe quoi. Mais pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a cité l'isti'ana, la demande de l'aide, alors que celle-ci fait partie de l'adoration? En disant « c'est toi que nous adorons, iyyaka na'bud », cela implique nécessairement que nous lui demandons aide. Mais là, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a cité l'isti'ana, c'est toi que nous adorons et c'est à toi que nous demandons aide, alors que l'isti'ana, la demande de l'aide, fait partie de l'adoration? Ben, c'est pour montrer que l'isti'ana est l'un des aspects les plus importants de l'adoration. D'ailleurs, pour qu'un Dieu soit un vrai Dieu, il faut qu'il satisfasse les besoins de celui qui recourt à lui. C'est pourquoi dans les moments de danger et de détresse, toutes les fausses divinités s'évanouissent dans l'esprit de celui qui les adore. Et il recourt directement à Allah subhanahu wa ta'ala. Il sait que seul Allah va le sauver. Donc, l'isti'ana, la demande de l'aide, c'est la forme la plus manifeste de l'adoration. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a mis l'accent sur l'isti'ana. Il l'a cité dans sourate al-Fatiha. La sourate al-Nas, la sourate les hommes, est comme une implication de la sourate, une implication pratique de la demande de l'aide. de l'isti'ana, la sourate An-Nas, elle est comme une implication pratique de la demande de l'aide, de l'isti'ana, à savoir le recours au Seigneur des hommes, à savoir l'isti'ada, le fait de prendre refuge en le Seigneur des hommes, roi des hommes, Dieu des hommes, pour le protéger contre le waswas. Donc l'isti'ada est un des aspects les plus évidents de l'isti'ana. La demande de refuge, le fait de prendre refuge en Allah contre un mal, c'est une des formes la plus évidente de la demande de l'aide. Ça, je parle toujours du lien entre surat les hommes et surat al-Fatiha. Et le lien entre la demande de refuge, la recherche de protection auprès d'Allah et la demande de l'aide. Ils sont très très liés, n'est-ce pas? Et la surat An-Nas justifie ce qui est exigé dans la surat al-Fatiha. Pourquoi adorons-nous Allah? Parce que c'est à lui que nous recourons en cas de besoin, et c'est auprès de lui que nous prenons refuge. Autre chose, concernant le lien de correspondance entre surat An-Nas et surat al-Fatiha, remarquez avec moi, chers frères, chers sœurs, que nous retrouvons dans la surat An-Nas les mêmes attributs qui se trouvent dans la surat al-Fatiha. Dans la surat al-Fatiha, on trouve la divinité d'Allah, Uluhiya, louange à Allah, Alhamdulillah. Et dans la surat An-Nas, on trouve aussi la divinité d'Allah, Uluhiya, Ilahi An-Nas, Dieu des hommes. Dans la surat al-Fatiha, on trouve la Rububiya, la seigneurialité d'Allah, Seigneur des mondes, Rabb al-Alamin. Et aussi dans la surat An-Nas, qu'est-ce qu'on trouve? Rabb al-Nas, la seigneurialité sur les hommes. Dans la surat al-Fatiha, on trouve la royauté, roi du jour de la rétribution, Maliki Yawmiddin, ou Maliki Yawmiddin selon la lecture de Warsh. Maliki Yawmiddin. Dans Surat An-Nas, roi des hommes, Maliki An-Nas. Passons maintenant à explication. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, قل أعوذ برب الناس, Maliki An-Nas, Ilahi An-Nas. Dit, je prends refuge en le Seigneur des hommes, roi des hommes, Dieu des hommes. Quelle leçon pouvons-nous tirer de ces trois versets? Remarquez qu'Allah a annexé les hommes à son nom Rabb al-Nas, puis à son nom roi, Malik al-Nas, puis à son nom Ilah al-Nas. Et alors, le fait qu'Allah se définit comme étant le Seigneur des hommes, le roi des hommes, le Dieu des hommes, alors qu'il est le Seigneur des hommes et des autres créatures, il est le roi des hommes et des autres créatures, il est le Ilah des hommes et des autres créatures, ben cette spécification, elle vise à quoi? Elle vise à honorer l'homme, Tashrif. Elle vise à honorer l'homme, puisqu'il a annexé les hommes à son propre nom. Et le fait que les hommes se répètent trois fois dans ces trois versets et deux fois dans le reste de la sourate, ce qui fait cinq, c'est parce que ça prouve que les hommes en particulier ont grand besoin d'Allah. Et c'est comme si la sourate leur disait recourez à Allah, demandez refuge auprès d'Allah en ravivant en vous sa rububiya, sa seigneurialité, son mulk, sa royauté et sa divinité, sa uluhiya, parce qu'il est ilahi an-nas. Il faut que ces noms et leur sens soient toujours présents dans vos cœurs et vos esprits, chers frères, chères sœurs. Ces trois noms doivent toujours être présents en vous, en effet. Et c'est parce qu'il y a des hommes qui adorent Allah, mais qui leur arrive d'être distraits des implications de sa rububiya, de sa seigneurialité. C'est-à-dire, il oublie qu'Allah subhanahu wa ta'ala gère l'univers et qu'il veille sur ses créatures. Tu vois par exemple les gens prier à l'heure, mais dès qu'il leur arrive un problème financier ou ils se font renvoyer de leur travail, ils s'affolent et la vie devient sombre devant eux. Ils deviennent pessimistes, ils oublient qu'Allah est le Rabb, ils oublient qu'Allah est le Razzaq, le pourvoyeur, celui qui accorde la subsistance. Et là, et bien sûr, la Rububiya, le Rizq, Razzaq fait partie de la Rububiya. Il est le pourvoyeur, donc il est le Rab, le maître, l'éducateur. Ils oublient cette aqidah-là. De même, quand ils constatent, par exemple, que les ennemis de l'islam ont plus de force, plus de pouvoir, plus d'armes, ça les effraie. Ils adorent certes Allah, mais ils oublient qu'Allah est le roi. Il domine toutes ses créatures. Ils reconnaissent qu'Allah est le Seigneur. Certains reconnaissent qu'Allah est le Seigneur et qu'il est le roi des hommes. Mais leur adoration est faible. Ils ne prient pas à l'heure, n'évitent pas les haram, ce qui est illicite. Et quand tu leur demandes de craindre Allah et de l'adorer et d'être assidu à la prière et à d'autres actes d'adoration, ben ils te répondent Allah Ghafoor Rahim. Allah est pardonneur et miséricordieux. Là, la uluhiyya, la divinité d'Allah est moins ancrée dans leur cœur. C'est pourquoi cette sourate montre qu'il faut que nous recourions à Allah en ravivant en nous le fait qu'il soit le Seigneur des hommes, le roi des hommes et le Dieu des hommes. Il faut avoir tout ça dans l'esprit, dans le cœur, ancré dans le cœur. Parce que les gens, il y a des gens qui reconnaissent qu'Allah est le roi, et c'est ancré dans leur cœur qu'Allah est le roi, mais ils oublient la uluhiyya, l'adoration, ils l'adorent moins. Ils font moins d'œuvres salutaires. Pareil pour la rububiyya, pour d'autres attributs. Et remarquez que le nom Seigneur, Rabb, est cité en premier, suivi du roi, et enfin Dieu. Rabb al-Nas, après c'est Malik al-Nas, roi des hommes, après c'est Ilah al-Nas, Dieu des hommes. Pourquoi? Pourquoi ils sont cités dans cet ordre? Parce que le contexte est un contexte de besoin et de recherche de refuge contre un mal. Et comme nous le savons, l'homme, il recourt à celui qui est proche de lui et qui à ses yeux peut lui apporter son soutien. D'accord? C'est normal, ça c'est quelque chose d'inné en l'homme. Et quand il est dans le besoin, quand il a besoin de protection, il cherche la personne qui est proche de lui et qui peut lui apporter son soutien. Alors, puisque le contexte est ainsi, il convient à ce que la seigneurialité soit citée en premier. La rububiyya soit citée en premier, car c'est l'attribut qui implique la protection, la sauvegarde et la bienveillance. Qui dit Rab? Dit éducateur, comme je le répète souvent, Rab Rububiyya Tarbiyya, éducateur, gérant, maître, bienveillant, qui assure la protection et qui veille sur ses créatures. Alors, celui qui recourt à quelqu'un qui a besoin d'être, celui qui recourt à quelqu'un, au début, bon, il cherche quelqu'un qui est proche de lui et qui est capable de lui apporter son soutien, et il a besoin aussi d'être rassuré par celui-ci et qu'il est suffisamment fort et puissant pour le protéger. D'où l'attribut d'Allah, le roi, Malik al-Nas, qui est venu après. Cela prouve que toute chose est dans la main d'Allah et que rien ne sort de son emprise et de son royaume. Donc, quand l'homme acquiert la certitude qu'Allah est le roi, son cœur s'apaise. Et se sent en sécurité puisqu'il sait que tout est sous l'emprise d'Allah, y compris le mal qu'il redoute. C'est bon? Maintenant, ayant reconnu qu'Allah est le Seigneur des hommes et le roi des hommes, et ayant recouru à lui, il lui reste de témoigner de la reconnaissance à Allah. Et la meilleure reconnaissance consiste à quoi? Consiste à l'adorer. D'où l'attribut d'Allah, Ilahinnas. Ilahinna, ça veut dire le divinisable, celui qui est adoré par les gens, Dieu des hommes, on peut le traduire. Je prends refuge en le Seigneur des hommes, parce qu'il veille sur tous ses êtres et administre leurs affaires. Je prends refuge auprès du roi des hommes, étant roi, il les possède et il les domine. Je prends refuge enfin auprès du Ilah des hommes, puisqu'il est le seul qui mérite qu'on l'adore. Le fait de prendre refuge en lui est un acte d'adoration. Je prends refuge en lui par adoration et par reconnaissance. Une autre sagesse qui réside dans cet ordre, c'est que l'homme qui cherche la vérité doit procéder d'une manière qui respecte cet ordre. Il doit regarder le monde autour de lui, les étoiles, le soleil, la lune, les animaux, les végétaux, sa propre personne. Qui a créé tout ça? Qui dirige ce monde? Qui le gère? En raisonnant objectivement, cela le conduira à Allah. Or, si Dieu est le créateur, le gérant de ce monde, il mérite donc seul d'être adoré. Donc la seigneurialité, la rububiyya, conduit à la divinité, l'uluhiyya. Et ce genre de raisonnement, je parle de l'ordre dans Surat al-Nas. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Bon, seigneur des hommes, il le gère. Ils sont sous sa charge, il veille sur eux. Il les a créés, il veille sur eux. Il les protège. Si je reconnais que Dieu est le Seigneur des hommes, dans ce sens-là, ça implique qu'il mérite seul que j'adore. Donc cet ordre va dans le sens de l'ordre du raisonnement que doit employer tout homme qui cherche la vérité. Et ce genre de raisonnement est courant dans le Coran. Comme par exemple dans sourate l'An'am, Allah subhanahu wa ta'ala yaqul inna Allah faliqu al-habbi wan-nawa yukhrij al-hayya min al-mayyit wa yukhrij al-mayyit min al-hayy dhalikum Allah fa anna tufakun. Allah qui fend le grain et le noyau, fait sortir ce qui est vivant de ce qui est mort, et il est aussi celui qui fait sortir ce qui est mort de ce qui est vivant, tel est Allah. Comment donc en êtes-vous détourné? Il est celui qui fend l'éclat de l'aube, faliq al-isbah, et il a disposé la nuit comme repos, le soleil comme la lune, comme le soleil et la lune, une mesure de repos, une mesure, faliq al-isbah, et ja'ala al-layl sakana, il a disposé la nuit comme repos, wa shamsa wal qamara husbana, et le soleil et la lune comme mesure. C'est là une détermination du Tout-Puissant, Omniscient, d'Alika Taqdir al-Aziz al-Alim. Père Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, c'est lui qui a disposé pour vous les étoiles, pour que grâce à elles, vous vous guidiez dans les ténèbres de la terre et de la mer. Vraiment, nous avons fait apparaître distinctement les signes pour des gens qui savent. Wa alladhi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr qad fassalna al-ayati liqawmin ya'lamun. Donc tous ces versets là parlent de la rububiyya d'Allah, qu'Allah veille sur nous, qu'il a disposé pour nous les étoiles pour que nous nous guidions, qu'il a assujetti les étoiles, les créatures pour notre service. Et donc tout ça c'est des signes de sa seigneurialité, de sa rububiyya. Et aussi celui qui nous a créé, c'est lui qui vous a produit à partir d'une âme unique, wa alladhi ansha'akum min nafsin wahida fa mustaqarrun wa mustawda'un qad fassalna al-ayati liqawmin yafqahun. Et c'est celui qui a fait descendre du ciel de l'eau, wa alladhi anzala min as-sama'i ma'an, etc. Tous ces versets là, ils parlent de la rububiyya d'Allah. Donc tout cela, ce sont des preuves de la seigneurialité d'Allah subhanahu wa ta'ala. À la fin de ce raisonnement, qu'est-ce qu'Allah a dit? Pour conclure, il a dit ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ. Tel est Allah votre Seigneur, pas de divinité si ce n'est lui, créateur de toutes choses, adorez-le donc. Voici la conclusion. Adorez-le donc. Donc cela doit nous mener à l'adoration. Donc là, Rabb al-Nas, ça implique qu'il est Ilah al-Nas. Donc ça, c'est le raisonnement que doit utiliser tout homme qui cherche la vérité. C'est le raisonnement qui est utilisé dans le Coran. La Rububiyya implique la royauté. La seigneurialité implique la royauté. Le fait qu'il soit le créateur du monde implique qu'il soit le roi. Sa seigneurialité, sa Rububiyya n'est parfaite que s'il règne sur ses créatures, les gouverne et veille sur elles. Et la seigneurialité et la royauté impliquent la divinité. S'il est le créateur et s'il est le roi qui domine toutes les créatures, cela implique qu'il est le seul qui mérite qu'on l'adore. Ça, c'est une méthode coranique qui doit être exploitée pour implanter la aqida, dans le cœur des gens. On doit attirer leur attention vers la rububiyya d'Allah sur ce monde. On leur parle de la création de l'homme, de la perfection dont le monde est géré, ainsi que tous les signes évidents de la rububiyya d'Allah. Ensuite, on passe aux attributs relatifs à la royauté. Le pouvoir, la domination, le fait que rien n'échappe à Allah. Et cela étant reconnu, l'homme ne trouvera rien qui justifie le fait d'adresser une quelconque adoration à quelqu'un d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou de prendre refuge auprès de quelqu'un d'autre qu'Allah, ou de rendre culte à quelqu'un d'autre qu'Allah, ou de craindre quelqu'un d'autre qu'Allah. Croyez-moi, si cette aqida, la grandeur d'Allah, sa rububiyya, son pouvoir, sa uluhiyya, est ancrée dans le cœur de l'homme, Satan ne trouvera aucun moyen de lui insuffler le doute ou de lui insuffler ses suggestions insidieuses. Et même si Satan parvient à lui insuffler des suggestions pour le mettre en doute sur sa aqida, ben il sait comment réagir. Il ne se laisse pas aller à ses suggestions. Et d'ailleurs, le fait qu'il les trouve, que le croyant trouve ces suggestions monstrueuses, est une preuve de la sincérité de sa foi. Ce qui n'est pas le cas de celui qui est vide spirituellement. La aqida n'est pas ancrée dans son cœur, il cède facilement à ses suggestions et tombe dans le scepticisme, voire même l'athéisme. Il y a un hadith rapporté par Al-Bukhari ou Muslim qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui apporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Satan vient souffler ses suggestions à l'un de vous en lui demandant, qui a créé cette chose? Et cette chose? Et telle chose? Jusqu'à dire, qui a créé ton Seigneur? Celui qui est arrivé à ce stade, qu'il cherche refuge auprès d'Allah et qu'il mette fin à ses suggestions. Ses suggestions. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam recommande de réciter la sourate Al-Ikhlas. Et des compagnons étaient venus dire une fois au prophète sallallahu alayhi wa sallam, envoyé d'Allah, il nous arrive d'avoir des idées qui sont tellement monstrueuses que nous n'osons pas exprimées. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, avez-vous donc trouvé ce genre de choses en vous-même? Ils disent, oui, envoyé d'Allah. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, c'est une preuve de l'authenticité de la foi. Celui qui trouve ce genre de choses doit dire, je crois en Allah et en son envoyé. Où il dit, surat al-Ikhlas, il est Allah, il est qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, Allahu samad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Puis qu'est-ce qu'il fait? Il crache à sa gauche à trois reprises, puis il demande à Allah de le protéger de Satan, puis il cesse de penser à ces suggestions-là. Il cesse de penser à ces suggestions-là. Bon, inshallah, la prochaine fois, je continuerai le reste de la sourate. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.